pieds dans la crasse. Faut cogner fort pour se faire sa place. Ceux qui dorment dehors rêvent de palace. Mauvais temps, mauvais sort pour les chiens de la casse. Trop de morts, trop de gosses, surtout à la das. Des mêmes fêtes pour l'or, des griffes de rapace. Ma génération par un dérapage. Dans la nuit, j'entends des bruits de course poursuite. Parti de rien, veux-tu tout de suite. On roule à vive allure, on se saoule vite. C'est le ghetto, pays d'escrocs. Seul Coluche t'invite au resto. Y'a beaucoup d'envieux, le monde est à ceux qui ont des hommes en bleu qui se lèvent tôt. On voit trop de peine et d'espoir déçu quand on traîne le soir dans ces rues. Si ma haine ne prend pas le dessus, la flemme me freine et vivre me tue. Les snobs nous plaignent, nous on n'en peut plus. Les portes se ferment, je cherche une issue. Je sens que je vais perdre la tête si je reste dans ce rêve. Je mets de béton, ici c'est ma chucrène. Je mets de béton, y'a ni pause ni traîne. Je mets de béton, en manque d'oxygène. Je mets de béton, de béton. Je vais perdre la tu pars armé mais dangereux. Pas de ceux qui se contentent de peu. Les yeux vitreux et le ventre creux. Les fauves nerveux se mangent entre eux. N'aie pas peur, rentre dans le jeu. Plonge dans le feu, même couvert de gasoline. Anonyme, on arrive sexe en vaseline. Et ça s'anime, tu le sais l'ami. Si t'es d'ici, t'en fais le prix. Les condés embarquent n'importe qui. T'as pas besoin d'être un bandit pour qu'ils te mettent les menottes toute la nuit. Beaucoup qui souffrent et qui subissent. Démunis face à l'injustice. Démunis, le vice s'incruste vite. Et qui vient te relever si tu glisses. Y'a beaucoup de charbonneurs, tous n'ont pas le sens de l'honneur. Six frères à la vie, à la mort. Au poste, ils te balancent sans remords. On encaisse encore et encore. Le temps presse, il faut que je m'en sorte. Je sens que je vais perdre la tête si je reste dans le rêve. Je mets de béton, ici c'est ma chucrène. Je mets de béton, y'a ni pause ni traîne. Je mets de béton, en manque d'oxygène. Je mets de béton, de béton. Je mets de béton, je mets de béton. Je mets de béton, je mets de béton. Je mets de béton, je mets de béton. Faut que je sorte de là où je vais perdre. Produit de cet environnement, produit de ce conditionnement. Les pieds prisonniers du ciment. Faut que je sorte de là où je vais perdre la raison. Je mets de béton, ici c'est ma chucrène. Je mets de béton, y'a ni pause ni traîne. Je mets de béton, en manque d'oxygène. Je mets de béton, de béton. Je mets de béton, je mets de béton. Je mets de béton, je mets de béton. Je sors de là où je vais perdre la raison. Raison, raison, raison, raison, raison.